إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فنبدأ إن شاء الله اليوم سلسلة من الدروس بعنوان رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. Nous commençons une série de cours maintenant dont le titre sera des hommes qui sont véridiques avec les pactes, avec le pacte qu'ils ont pris avec Allah subhanahu wa ta'ala. أتعرفون من هؤلاء الرجال أيها الإخوة؟ إنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم الرجال وهم الصادقون. Vous savez qui c'est ces hommes? Ce sont tout simplement frères en Allah Azza wa Jal, les nobles compagnons de Muhammad alayhi salatu wa salam. Ce sont eux les hommes, ce sont eux les véridiques. فهم الرجال حقا كما وصفهم الله في كتابه. فقال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Ce sont eux les hommes réellement, comme Allah subhanahu wa ta'ala il les a décrits, en tant qu'hommes et en tant que véridiques. Ainsi leur description dans le Coran. Il est dit dans le verset l'équalisé du 22-23, quand les croyants ont vu l'équalisé, ils ont dit c'est ce que nous a promis Allah et son messager. Et Allah est véridique ainsi que son messager. Et ceci a augmenté leur foi et leur soumission. Il est dit dans le verset, il est des croyants, fait partie des croyants des hommes qui sont véridiques dans le pacte qu'ils ont pris avec Allah. Certains parmi eux ont terminé et sont morts, et d'autres ont combattu sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur vie s'est terminée en tant que martyrs. Autrement, et d'autres attendent, mais ils n'ont rien changé. C'est-à-dire, ils n'ont rien changé de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et remarque avec moi, il est dit croyants, des hommes qui étaient véridiques. Et cela concerne les nobles compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam, comme disent les exégètes, rahimahumullah ta'ala. وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Et dans l'autre verset il dit, dans des maisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné qu'on construise, son nom s'évoque, le nom d'Allah est évoqué et on y glorifie Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir. Dans ces maisons il y a des hommes que le commerce ne détourne pas de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le commerce et les choses de ce bas monde ne détournent pas, que ces hommes là ne sont pas détournés par le commerce ou autre pour l'accomplissement de la prière ou pour le fait de s'acquitter de la zakat. Des hommes qui craignent un jour où ils vont retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. ainsi Allah subhanahu wa ta'ala les écrit dans le Coran. Ashabu Muhammadin ayyuha al-ukhwa hum as-sadiqun hum kama wasafahum Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادقون لنوبل كومبانيون محمد عليه الصلاة والسلام سسون لي فيغيديك سسون كوم الله سبحانه وتعالى يسون كوم الله سبحانه وتعالى لي زاديكري دون سون ليفر سيرت لي كرويون. Ce sont ceux qui ont cru en Allah, en son messager. Ils n'ont pas eu de doute. Ils ont combattu avec leur argent, avec leur corps, sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là, ce sont les véridiques. Et en premier, rentre dans ce verset, les nobles compagnons de Muhammad alayhi salatu wa salam, en priorité, ce sont eux qui sont concernés. Et dans notre verset, « Wa qala azza wa jal, lil fuqara il muhajirin alladhina ukhrijou min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasoola ulaika humus sadiqoun. » Et dans notre verset, il est dit, « Les pauvres qui ont quitté leur maison, qu'on a fait sortir de leur maison, qui ont immigré, qu'on a sorti de leur maison, et qu'on les a dépouillés de leur fortune, ils cherchent avec tout ça les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont fait triompher Allah, ça veut dire ils ont fait triompher la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont fait triompher Allah et son messager. Ceux-là, ce sont les véridiques. Et les premiers qui sont concernés par ce verset, ce sont les nobles compagnons de Muhammad alayhi salam. السلام. فالرجال الذين صدقوا الله سبحانه وتعالى هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صدقوا مع الله وصدقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوا مع أنفسهم وصدقوا مع الناس لنبل Les hommes qui ont été véridiques, ce sont les nobles compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam. Ils étaient véridiques avec Allah, ils étaient véridiques avec le messager d'Allah, ils étaient véridiques avec eux-mêmes, et ils étaient véridiques aussi avec les gens. أصحاب محمد إخوة الإسلام اعتزوا بالإسلام فأعزهم الله بالإسلام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حملوا الإسلام في قلوبهم ففتحوا به قلوب العباد والبلاد يقول عز وجل عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم لنوبل كومبانيون محمد عليه الصلاة والسلام ont été fiers avec l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a honorés avec l'islam. Les nobles compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam ont porté l'islam dans leur cœur. Et ils ont ouvert avec l'islam les cœurs des gens. Ils ont conquis les pays. Et avant de conquérir les pays, ils ont conquis le cœur des gens. Par cet islam qu'ils aimaient, par cet islam pour lequel ils ont voulu leur vie, ils ont tout donné, ils ont tout sacrifié. فالصحابه اخوه الاسلام هم القدوه وهم الذين امرنا باتباع سبيلهم وجعل سبيلهم هو سبيل والله سبحانه وتعالى جعل سبيلهم هو سبيل الرشاد والهدى فالكلام عنهم توجبه امور عده. Donc les nobles compagnons, frères en Allah, Azzawajal, ce sont nos modèles. Ce sont les modèles que nous devons suivre. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de suivre leur chemin. Il a fait que le chemin de ces nobles compagnons, c'est le chemin de la guidée. C'est le chemin de la droiture. Et par les nobles compagnons, ceci, plusieurs points nous l'imposent. Dans un monde où on cherche les modèles, alors que beaucoup cherchent leurs modèles, dont les footballeurs, dont et autres, parmi les gens de la futilité, alors que le modèle du musulman en général et du salafi en particulier, ce sont les nobles compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'il est obligatoire de parler de ces nobles compagnons, de les connaître comme il se doit et de reconnaître leur valeur, leur place. فالأمر الأول أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. قال تعالى عنهم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ترجمان القرآن: هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. La première chose qui fait qu'il est obligatoire de parler, de se préoccuper de la situation de ses nobles compagnons, c'est que les nobles compagnons de Muhammad alayhi salam, ce sont les meilleurs de la communauté humaine après les prophètes et les messagers alayhi salam. Alayhi salatu salam. Il est dit dans le verset dans Sourate Al-Imran, verset 110, vous êtes la meilleure des communautés qui a existé pour les gens. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, vous croyez en Allah. Et si les gens du livre ont cru, ça aurait été bien pour eux. Fait partie des gens qui sont croyants et d'autres qui sont désobéissants. Ibn Abbas, l'exégète du Coran par excellent, radiyallahu anhu arda, a dit, ce sont ceux qui ont immigré avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de la Mecque vers Médine. Wa qala ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, wa sahihu anna hadhihi al-aya, ammatun fi jami'i kulli qarnin bihasabih, wa khayru qurunihim alladhina bu'ita fihim rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, intaha kalamuhu rahimahullahu wa ghafara lah. Ibn Kathir a dit, quand il a interprété ce verset, il a dit, ce verset concerne, il est général pour toutes les générations de l'islam. Chaque génération, selon ce qu'il aura fait, selon sa situation. Et les meilleures des générations, ce sont la génération dans laquelle a été envoyé Muhammad alayhi salatu salam. Et puis ceux qui les suivent, et puis celles qui la suivent. Et si ça arrête les paroles d'Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, كيف لا يا أخوة الإسلام ألا يكون المقصود بالآية هم صحابة رسول الله؟ كيف لا يكون الأمر كذلك؟ ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم تجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. Et comment? Ça ne peut pas être autrement. Les premiers qui sont concernés par ce verset, ce sont les nobles compagnons de Muhammad alayhi salam. Donc le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, comme il est rapporté chez l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, hein, les meilleurs des gens, ce sont ceux de ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Et après arriveront des gens dont leur témoignage va devancer leur serment, et leur serment va devancer leur témoignage. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه فكانوا خير الصحب عزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقروه وأحبوه وتبعوه ونصروه وكان صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من الولد والوالد بل من النفوس التي بين الجنوب. لنوبل كومبانيون محمد عليه الصلاة والسلام, ce sont des gens que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour être les compagnons de son prophète alayhi salatu salam, pour faire triompher sa religion. Ils étaient les meilleurs et les plus nobles compagnons. Ils ont respecté le messager, ils l'ont fait triompher, ils ont tout sacrifié pour lui, pour sa religion. Ils l'ont aimé au-dessus de tout, ils l'ont fait triompher, ils l'ont suivi. Et il était pour eux, ils l'aimaient plus qu'eux-mêmes, plus que leurs enfants, plus que leurs femmes, plus que leur âme qui était dans leur corps. يقول الفاروق عمر رضي الله عنه يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. رواه البخاري. Un jour, le Farouk, Omar, radiyallahu anhu, il dit au messager d'Allah, ô messager d'Allah, je t'aime plus que toute autre chose, sauf moi. C'est-à-dire que moi, je m'aime plus que ce que je t'aime. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar, non, Omar, pars. Celui qui tient mon âme entre ses mains, jusqu'à ce que tu m'aimes plus que toi-même. Et un laps de temps est passé, Omar a dit, ya Rasulallah, maintenant je t'aime plus que moi-même. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, maintenant ya Omar. Hadith il est rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala. Fakayfa la yakounu لا يكون الأمر كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. Ça ne peut pas être autrement, frère en Allah Azza wa Jal, car le messager d'Allah leur disait, comme il est rapporté par l'imam Bukhari رحمه الله تعالى, quelqu'un parmi vous, chaque fois, ne sera complète que jusqu'à ce qu'il m'aime plus que ses enfants, ses parents et tous les gens. Quelqu'un parmi vous, sa foi ne sera complète qu'une fois qu'il m'aime plus que ses parents, plus que ses enfants, plus que tous les gens. Comme il est rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah. Yaqul ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa ardah. إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه سيئا فهو عند الله سيء. Comme il est rapporté par l'imam Ahmed, il hadith il est authentique, Abdullah et par d'autres, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa ardah, de nous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a regardé les cœurs des serviteurs. Il a trouvé que le cœur de Muhammad alayhi salam est le meilleur des cœurs des serviteurs. Il l'a élu, il l'a choisi pour lui-même et il l'a envoyé avec son message. Et Allah subhanahu wa ta'ala a regardé dans le cœur des serviteurs après le cœur de Muhammad alayhi salam et il a vu que les cœurs de ses nobles compagnons étaient les meilleurs des cœurs des serviteurs et il a fait deux des vizirs de son messager alayhi salam. Ils combattent pour sa religion et ce que les musulmans ont vu bien c'est bien chez Allah subhanahu wa ta'ala et ce qu'ils ont vu mal c'est mal chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est rapporté par l'imam Ahmed et avec une chaîne de transmission qui est authentique comme il est rapporté par d'autres, par Al-Haytami et par Tabarani et d'autres, rahimallahu al-jami'a. Wa yaqulu ibn Umar radiyallahu anhu, man kana mustannan falyastanna biman qad mat, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kanu khayra hadhihi al-ummati, abarruha quluban, wa a'maquha ilman, wa aqalluha takallufan, qawmun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, wa naqli dinihi, fatashabbahu bi akhlaqihim wa tara'iqihim, fahum ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa kanu ala al-huda al-mustaqim, dhakarahu al-baghawi an ibn Mas'ud radiyallahu anhu kama huwa fi hilyat al-awliya an ibn Umar radiyallahu anhu wa ardah. Ibn Umar de nous dire comme il est rapporté dans le hilya d'Abi Nu'aym rahimahullah ta'ala et le même texte est cité par le Baghawi dans son exégète d'Abdullah ibn Mas'ud. Ibn Umar de nous dire ici, celui qui veut prendre un chemin, qu'il prend le chemin de ceux qui sont morts. Ceux-là, ce sont les nobles compagnons de Mohammed alayhi salam. Ils étaient les meilleurs de cette communauté. Leur cœur était les plus dévoués. Et ils avaient beaucoup de science, ils étaient ancrés dans la science. Ils s'imposaient peu. Ce sont des gens que Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis pour la compagnie de son prophète alayhi salam. Et pour transmettre et porter sa religion. Ressembler leur dans leur comportement. dans leur voie, ce sont les nobles compagnons de Mohammed alayhi salam. Ils étaient sur la voie droite, ils étaient sur la guidée. Voici un noble conseil d'un noble compagnon qui nous conseille tout simplement de prendre la voie de ces nobles compagnons, radhiyallahu anhum. D'où l'importance de connaître les nobles compagnons, de connaître leur voie pour prendre leur chemin. والأمر الثاني الذي يجب علينا أن نهتم بدراسة صحابة رسول الله حياتهم وطريقهم وسبيلهم هو أن سبيل الصحابة رضوان الله عليهم هو سبيل النجاة وهو المنهج الحق الذي فيه سعادة الدارين وهو سبيل المؤمنين الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه باتباعه وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بالتمسك به وأن نعد عليه بالنواجه. Le deuxième point qui fait qu'il est obligatoire pour nous de connaître, de se pencher sur la vie de ces nobles compagnons, de connaître leur chemin, c'est que leur chemin, le chemin de ces nobles compagnons, c'est la voie pour être sauvé, c'est la voie de la vérité. C'est la voie dans laquelle il y a le bonheur de ce bas monde et l'au-delà. C'est la voie des croyants qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre dans son livre. Et c'est la voie que nous a ordonné le message alayhi salam dans sa sunna. Il nous a ordonné de se cramponner à cette voie et de mordre dessus avec nos molaires. Yaqulu hada amrun muhimmun ikhwat al-islam an na'rifa sabila as-sahaba. C'est très important de connaître la voie des nobles compagnons. والأدلة على هذا كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الأدلة التي تأمر باتباع منهج الصحابة رضوان الله عليهم. Les preuves sont nombreuses dans le livre d'Allah et dans l'authentique de la sunna du prophète qui nous ordonne de se cramponner, de suivre la voie des nobles compagnons رضوان الله عليهم. أولا من كتاب الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم فكن أخ الإسلام ممن اتبع هؤلاء الذين اتبعوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان لكي تكون ممن رضي الله عنهم. La première preuve dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, les preuves dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala sont nombreuses à nous ordonner le fait de se cramponner à la voix des nobles compagnons. Le verset dans surat Tawba, et les premiers parmi les immigrants qui ont quitté la Mecque vers Médine, et l'Ansar, ceux qui les ont accueillis à Médine, et ceux qui les suivent à la perfection, Allah les agrée, et eux ils agréent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé des jardins sur lesquels coulent des fleuves, où ils seront éternellement. Ça, c'est le plus grand des gains. Regarde, frère en Allah, Azza wa Jal, il a fait qu'il n'y ait que deux voies, il n'y a pas une troisième voie. Il y a deux catégories de personnes. Les premiers qui ont quitté la Mecque pour Médine et leurs alliés qui les ont accueillis pour faire triompher la religion de Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième catégorie, c'est ceux qui les suivent à la perfection. Donc, le muhajiroun, l'ansar, Allah subhanahu wa ta'ala les agrée sans condition parce qu'ils ont ramené toutes les conditions pour être agréés min Allah azza wa jal. Et eux, ils agréent ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve. Pour être avec eux, il faut les suivre à la perfection, comme il est dit dans le verset. Il faut les suivre à la perfection. Ah, si tu veux être parmi ceux qui vont être agréés, mais Allah Azza wa Jal, il t'est obligatoire de suivre le chemin du noble compagnon, radouanullah alayhim. Sinon, et de ceux qui les suivent à la perfection. Sinon, tu ne seras pas dans le chemin de ce que Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Et si on n'est pas dans le chemin de ce que Allah subhanahu wa ta'ala agrée, donc nous on est dans un autre. Et le contraire de l'agrément, c'est quoi? Tu le sais très bien, akhal islam. Wa qala ta'ala, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. والصحابة لم يسألوا أحدا أجرا على دعوتهم لهذا الدين وهم مهتدون بدليل قوله تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Et L'autre verset te dit, suivez ceux qui ne vous demandent pas d'argent et ils sont guidés. Suivez ceux qui ne vous demandent pas de récompense ni d'argent et ils sont guidés. Et les nobles compagnons de Allah alayhim n'ont pas demandé de salaire ni d'argent pour la da'wa vers cette religion, pour la da'wa qu'ils ont fait à cette religion. Ils sont guidés, la preuve comme quoi ils sont guidés, l'autre verset où il est dit, vous étiez sur une pente de perdition qui va vous amener vers le feu de l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala vous en a sauvé, ainsi Allah subhanahu wa ta'ala vous éclaire sur ces versets et sur ces signes, vous allez être guidés. Guidés comment ? Par la connaissance de la vérité et par le fait d'avoir suivi la vérité. Et il n'y a aucun doute que les nobles compagnons de Mohammed alayhi salam ont connu la vérité et ils ont suivi la vérité. Donc ils étaient guidés min Allah azza wa jal radiyallahu anhu wa arda. Wa qala ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani was sahabatu ridwanullah alayhim qad ittaba'u ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa da'u an-nasa ila al-islam fawajaba alayna ittiba'uhum. Et dans l'autre verset dans sourate Yusuf, ça c'est ma voix, j'appelle vers Allah avec science, moi et ceux qui me suivent. Il n'y a aucun doute que les nobles compagnons de Mohammed ont suivi ce message. Ils ont appelé à l'islam vers lequel a appelé Mohammed. Donc il est obligatoire pour nous de les suivre. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Il est dit dans le verset, Ô vous qui avez cru, préservez les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et soyez avec les véridiques. Et il n'y a aucun doute que les nobles compagnons étaient les véridiques. Ils sont à la tête des véridiques dans cette communauté humaine après les prophètes alayhi salatu wassalam. ولا شك ولا ريب أن الصحابة رضوان الله عليهم أئمة الصادقين. فوجب علينا ولا ريب أن نكون معهم أي على منهجهم. قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يو كان دوت l'ombre d'un doute n'existe pas là-dessus que les nobles compagnons ce sont les imams des véridiques. Donc il est obligatoire pour nous sans aucun doute d'être avec eux et d'être sur leur voie. Et il est dit dans le verset, celui qui cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a été guidé sur la voie droite. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ووجه الاستدلال بالآية أنه تعالى أخبر عن المعتصمين به بأنهم هدوا إلى الحق فيقول رحمه الله فنقول الصحابة رضوان الله عليه معتصمون بالله فهم مهتدون فاتباعهم واجب ذكره في إعلام الموقعين رحمه الله تعالى. ابن القيم commentant ce verset qui dit, et celui qui cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou là qui se cramponne à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a été guidé vers la voie droite. Nul qayyim de dire, et le point où il y a la preuve dans ce verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé que ceux qui se cramponnent à sa religion, ceux qui se refugent auprès de lui, ils sont guidés sur la vérité. Et il dit, nous disons que les nobles compagnons radwanullah alayhim ont cherché refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, se sont cramponnés à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ils sont guidés, donc il est obligatoire de les suivre, comme il l'a cité dans Ilam al-Muqti'in rahimahullah ta'ala. وقال تعالى محددا أولئك الذين يسلكون سبيلا غير سبيل المؤمنين أي غير سبيل الصحابة رضوان الله عليهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit dans un autre verset. Il avertit tous ceux qui prendront un autre chemin que le chemin des croyants. C'est-à-dire un autre chemin que le chemin des nobles compagnons, radouanullah alayhim. Il est dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un avertissement qui nous annonce ici dans sourate Nisa. Et celui qui prend une autre voie que la voie du messager après avoir reçu l'épreuve, il suit un autre chemin que le chemin des croyants. Et ici en priorité, rentre les nobles compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam. Il suit un autre chemin que le chemin des croyants. Nous allons lui faire l'alliance avec ceux avec qui il a cherché alliance. Et sa demeure sera l'enfer. ووجه الدلالة يقول أهل العلم ووجه الدلالة أن الآية جعلت مخالفة سبيل المؤمنين سببا لتولي سبل الضلال وصلي جهنم كما دلت على أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو من أعظم أصول الإسلام وهو مستلزما لسلوك سبيل المؤمنين وموجبا له. Et c'est la preuve dans le verset, c'est que, disent les hommes de science, que le verset fait que le fait d'être en divergence avec la voie des croyants est une cause pour être dans les chemins de l'égarement et d'aller vers l'enfer. Comme le verset prouve qu'il faut suivre le messager d'Allah, que le fait de suivre le messager d'Allah Azza wa Jal, il est un des grands fondements de l'islam, et ceci passe par le fait de suivre la voie des croyants, et que la voie des croyants est obligatoire pour être sur la voie de Muhammad alayhi salatu wasalam. Dire la voie des nobles compagnons est obligatoire pour que tu puisses être sur la voie de Muhammad alayhi salatu wasalam. يقول وسبيل يقول أهل العلم وسبيل المؤمنين هو أقوال وأفعال الصحابة رضوان الله عليهم دل على هذا قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله والمؤمنون آنذاك هم الصحابة ليس إلا قاله ابن القيم رحمه الله تعالى إلى فوالك خويون Ce sont des paroles et des actes. Prouve ceci, le verset qui dit « Le messager a cru en ce qui lui a été descendu de son souverain, ainsi que les croyants. » Et les croyants à cette époque, ce sont les nobles compagnons de Dwanullah alayhim, ils sont personne d'autre. C'est eux qui sont concernés par le verset, comme le cite Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala wa ghafara lah. ويقول أهل العلم هذا يدل على أن اتباع سبيل الصحابة رضي الله عنهم في فهم شرع الله واجب ومخالفته ضلال. Et les hommes de science disent que le fait cela prouve que suivre la voie des nobles compagnons ridwanullah alayhim dans la compréhension de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala est obligatoire. Et le fait d'être en divergence avec la compréhension de ces nobles compagnons, c'est un égarement à l'islam. وقال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Et il est dit dans l'autre verset, guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, et non la voie de ceux qui ont couru ta colère, et les égarés, et non la voie des égarés. Tous ceux-ci sont dans les versets qui nous montrent qu'il est obligatoire de suivre la voie des nobles compagnons d'Allah alayhim. قال ابن القيم رحمه الله والصراط المستقيم هو صراط الأنبياء قبل هذه الأمة وصراط الصديقين والشهداء والصالحين منها كما قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فأولئك هم أهل النعمة والفضل وصراطهم بمعزل عن أسباب الغضب وموجبات الضلال إذ هو تام الاستقامة لا عوج فيه ولا انحراف وسلوك الصراط المستقيم فريضة واجبة على كل مسلم. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi de nous dire la voie droite c'est la voie des prophètes alayhi sallatu salam avant cette communauté, et c'est la voie des véridiques, des martyrs et des vertueux, et c'est la voie des véridiques et des martyrs et des vertueux de cette communauté, comme il est dit dans le verset, celui qui obéit à Allah et au messager, ceux-là font partie par ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits, qui sont les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux, et qui est le bon compagnie que la compagnie de ceux-là. Ibn al-Qayyim de nous dire, ceux-là, ce sont les gens comblés par les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Leur voix, il est loin des causes de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est loin des causes qui vont amener vers l'égarement. Car c'est une voix qui est complète dans la droiture. Il n'y a pas d'déviance dedans. Et le fait de prendre la voie droite est une obligation pour tout musulman. Hein? Il est obligatoire pour nous et pour tous les musulmans de prendre la voie des nobles compagnons de Allah alayhi wa sallam. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وإنما يكون سلوك هذا الصراط باتباع السابقين عليه في التحليل والتحريم والإيجاب فيتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته ويتبع الصحابة فيما اختلف فيه الناس وتشابه عليهم لأنهم المبرئون رؤون من الانحراف القائمون المستقيمون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il est dit dans le verset, ça c'est ma voie droite, suivez-la et ne suivez pas les autres chemins qui vont vous diviser, vous éparpiller du chemin d'Allah. C'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait, et ainsi vous allez arriver à la piété. Les hommes de science disent, pour être sur la voie droite, cela implique qu'on doit suivre les premiers dans ce qui est halal, dans ce qui est obligatoire, dans ce qui est haram. Et donc on doit suivre le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa voie, dans sa sunna. Et on doit suivre les nobles compagnons dans toutes les divergences qu'il y a entre les gens. On doit revenir vers la voie des nobles compagnons d'Allah alim. Dans toutes les choses sur lesquelles il y a des ambiguïtés, on va revenir vers la voie des compagnons d'Allah alim. Parce que les nobles compagnons sont épargnés de la déviance. Et ils étaient sur la voie droite. Et ils étaient sur la sunna du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il est obligatoire d'être sur leur chemin pour être sur la voie droite. Wajhud dilalat ikhwat al-islam. أن البراءة من سبول المغضوب عليهم والضالين في الاعتقاد والعبادة والسياسة والأخلاق والعبادات شرط للبراءة من العذاب والغضب والضلال. Et disent les hommes de science, le point de preuve dans le fait d'être loin des voies de ceux qui ont encore la colère d'Allah et des égarés, que ce soit dans les croyances, dans les adorations, dans la politique, dont le comportement est une des conditions pour être épargné du châtiment et de la colère d'Allah et de l'égarement. Cela implique quoi? Désavouer et s'éloigner la voie de ceux qui ont encore la colère d'Allah et des égarés. Pour être épargné, c'est l'une des conditions pour être épargné du châtiment et de la colère d'Allah et de l'égarement. Donc cela implique quoi? Cela implique qu'on devait suivre la voie des nobles compagnons, car c'est eux qui rentrent dans le verset « Alladhina an'amta alayhim » « Ceux que tu as comblés de tes bienfaits » « Fahadi al-bara'atu min al-adab wa min al-ghadab wa min al-dalal takounu » باتباع صراط السابقين الأدلة على الطريق المستقيم وهم من هذه الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يقتضي منا اتباعهم واقتفاء آثارهم ولزوم هديهم رضي الله عنهم وارضاهم. Donc pour être épargné des chemins qui ont cours la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne serait arrivé qu'en suivant la voie de ceux qui nous ont devancés, c'est-à-dire les nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection, suivre leur chemin, car ce sont eux de cette car les nobles compagnons, ce sont eux qu'il faut suivre de cette communauté, ce sont eux les premiers. Cela implique que nous devons suivre leurs traces, nous devons être derrière eux, nous devons nous cramponner à leur chemin et à leur voie pour être épargnés de la colère d'Allah. Et pour être épargné de l'égarement. وتأتينا الآن أدلة من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي توجب علينا اتباع الصحابة رضوان الله عليهم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، فجلسنا، فخرج علينا فقال ما زلتم هنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء، فقال صلى الله عليه وسلم أحسنتم أو أصبتم. Maintenant avec les preuves qui se font, qu'il est obligatoire de suivre ses nobles compagnons, radhiyallahu anhum. Dans ce qui est rapporté par l'imam Muslim, il hadith d'Abi Moussa al-Ash'ari radhiyallahu anhu ardah, qui dit: nous avons prié la prière du Maghreb avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et nous nous sommes dit: si on reste assis jusqu'à ce qu'on prie avec l'Isha. Et nous sommes restés assis dans la mosquée jusqu'à ce que le messager est ressorti. Et il nous a dit: vous êtes toujours là? Nous lui avons dit: ya Rasulallah, nous avons prié avec toi. Et nous nous sommes dit: nous allons, si on restait jusqu'à prier l'Isha avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: vous avez fait bien, ou vous avez, ou vous l'avez dans le mille, ou asabtum. Qala farafa'a ra'sahu ila as-sama', wa kana katiran ma yarfa'u ra'sahu ila as-sama'. فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. يا أبو موسى الأشعري دون حديث دنديغ Que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a élevé ses yeux vers le ciel. Et il dit: souvent il levait ses yeux vers le ciel. Et quand il l'a levé cette fois, il a dit: les étoiles sont une sécurité pour le ciel. Quand les étoiles vont partir, le ciel recevra ce qui lui a été promis. Et je suis une sécurité pour mes compagnons. Et quand je vais partir, arrivera à mes compagnons ce qui leur a été promis. Et mes compagnons sont une sécurité pour ma communauté. Et quand mes compagnons partiront, arrivera à mes communautés ce qui lui a été promis. فانضرخ الإسلام جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم إلى من بعدهم في الأمة الإسلامية كنسبته إلى أصحابه وكنسبة النجوم إلى السماء. وقال فخير الله عز وجل comment le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette place qu'il a donnée aux nobles compagnons. Elle fait que les nobles compagnons, pour ceux qui vont arriver après eux, de cette communauté, elle fait que les compagnons sont une sécurité pour la communauté. Comme lui, il a été une sécurité pour ses compagnons. Et comme les étoiles sont une sécurité pour le ciel. Regardez à quel pied, hein? Regardez où est-ce qu'il les a mis et quelle place le noble Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a donné à ses nobles compagnons. يقول النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم ومعنى الحديث أن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت. Et Nawawi, dans son interprétation de Sahih Muslim, il a dit: ce hadith veut dire que les étoiles, tant que les étoiles sont dans le ciel, ben le ciel restera. Une fois que les étoiles vont disparaître, le ciel va faiblir, il va se fissurer, il va partir. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wa ana amanatu li ashabi fa idha dhahabtu ata ashabi ma yu'adun ay min al-fitan wal hurub wa irtidad man irtadda min al-a'rab wa ikhtilaf al-qulub wa nahwi dhalik mimma andara bihi sarihan wa qad waqa'a kullu dhalik. Il dit rahimahullah ta'ala, les paroles sont à Nawawi rahimahullah concernant ce hadith. Il dit contre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, je suis une sécurité pour mes compagnons. Et quand je pars, arrivera à mon compagnon ce qui leur a été promis. Il a dit cela parmi les fitanes qui sont arrivées, parmi les guerres, parmi les Arabes qui ont apostasé, parmi la divergence des cœurs. Et tout ceci est arrivé comme l'a annoncé clairement le messager d'Allah, Azza wa Jal. وقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. معناه ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وطلوع قرع الشيطان وظهور الروم وغيرهم وانتهال المدينة ومكة وغير ذلك, وهذه كلها من معجزاته صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له من شرحه على النووي على صحيح مسلم. Il dit, rahimahullah ta'ala, les paroles sont à Nawawi, rahmatullah alayhi, wa ghafar Allah la. Il dit, et quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, mes compagnons sont une sécurité pour ma communauté, et quand mon compagnon disparaîtra, arrivera à ma communauté ce qui lui a été promise. Il a dit, cela veut dire l'apparition des innovations. L'apparition de ces événements qu'il y a eu dans la religion, tout ce qui est nouveau dans la religion, l'apparition des perturbations et des fitanes, l'apparition des cornes du shaitan, l'apparition des Romains, hein, là, le fait de les guerres qu'il y a eu à Médine et à Mecca et autres. Et il dit tout ceci fait partie des. Tout ceci fait partie. Du miracle de ce messager, alayhi salatu salam. Ici se terminent les paroles de Imam Nawawi rahmatullah alayhi dans son interprétation sur Sahih Muslim. فهذا الحديث إخوة الإسلام تضمن فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم على وجه عام, كما اشتمل على بيان منزلتهم ومكانتهم العالية في الأمة, وأنهم في هذه الأمة من بمنزلة النجوم في السماء, كما أن النجوم منار لأهل الأرض ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر, كما قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. كذلك الصحابة يقتدى بهم للنجاة من ظلمات الشهوات وظلمات الشبهات, ومن أعرض عن طريقهم وعن فهمهم فهو في غيه يتلدى في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. Donc frère, on Allah Azza wa Jal, on retient de ce hadith les vertus de ses nobles compagnons en général, parce que ce hadith, il est dedans un éclaircissement sur la place due à ces nobles compagnons, Ridwanullah alayhim, cette noble place qu'ils ont dans cette communauté. Ils sont dans cette communauté comme les étoiles dans le ciel. Les étoiles dans le ciel, les gens de la terre se guident avec, dans les ténèbres nuits du désert et dans les ténèbres nuits des mers et des océans, comme il est dit dans le verset. C'est lui, c'est-à-dire Allah, qui a fait pour vous les étoiles pour vous guider dans les ténèbres des déserts et dans les ténèbres des océans. Et les nobles compagnons sont ainsi pour être sauvés. On doit les prendre comme modèle pour être sauvés des ténèbres, des tentations et des ténèbres, des ambiguïtés. Celui qui se détourne de leur voix, celui qui se détourne de leur compréhension, il patauge dans les ténèbres, dans des ténèbres, couche de ténèbres sur couche de ténèbres. S'il sort sa main, il ne la verra pas. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة والحديث عند أبي داود وعند غيره وصححه الإمام الألباني رحمه الله كما في تعليقته على سنن ابن ماجه وفي الإرواء وسنن أبي داود رحمة الله على أئمة المسلمين. العرباض بن سارية دونديك الرسول صلى الله عليه وسلم leur a fait une exhorte un jour, une exhorte très forte. Leur cœur ont frémi de peur. Leurs yeux ont lâché leurs armes. Ils ont dit, « Ya Rasulallah, c'est un serment de quelqu'un qui fait ses adieux, ordonne-nous. Fais-nous des conseils Et il leur a dit, je vous ordonne le fait de préserver les droits d'Allah, et le fait d'écouter et d'obéir à votre gouverneur, même si un gouverneur éthiopien, un esclave éthiopien qui vous gouverne. Car celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Cramponnez-vous à ma sunna et à la sunna des khalifs bien guidés. Mordez dessus avec vos molaires et attention à toute nouveauté dans les situations, car toute nouveauté est un égarement. Car les innovations, c'est un égarement. Ceci est rapporté par Abu Daoud et par d'autres authentifiés par Cheikh Nasr, rahmatullahi alayhi, dans Sunan Ibn Majah et Shi'a Abida, et dans Sunan Abu Daoud, la même chose. قال ابن القيم رحمه الله وقد قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أصحابه بسنته وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض بن عليها بالنواجذ وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة وإن لم يتقدم من نبيهم فيه شيء وإلا كان ذلك سنته انتهى كلامه من أعلام الموقعين ابن القيم رحمة الله عليه كم إلا يكخذ dans l'Ilam al-Muqqin, il dit « Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a mis à pied d'égalité sa sunna et la sunna de ses nobles compagnons. » Et il a ordonné de suivre la sunna de ses nobles compagnons. Comme il a ordonné de suivre sa sunna, et il a été... Il l'a ordonné fortement, puisqu'il a dit « Mordez dessus avec vos molaires. » Et cela comprend les verdicts qu'ont émis ses nobles compagnons et les sunnas qu'ils ont instaurés pour la communauté, même s'ils ne sont pas dans la voie du messager, parce que s'ils étaient dans la voie du messager, ça aurait été sa sunna. Et ceci est rapporté dans l'Ilam al-Muwaqqi'in d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Ikhwat al-Islam, yatabayyin laka anna as-sahaba hum awla an-nas bi rasulihim sallallahu alayhi wa sallam وسنته فهما وعملا فهم أولى الناس برسولهم صلى الله عليه وسلم وبسنته فهما وعملا ودعوة فجوجب على من بعدهم إلى يوم القيامة أن يتمسك بمنهجهم لكي يكون موصولا برسول الله صلى الله عليه وسلم ودين الله وإلا فهو كشجرة خبيثة جثت من فوق الأرض ما لها من قرار. Partons de là, frère Allah Azzawaj. Il t'apparaît par ces preuves du Coran et de la Sunna que les nobles compagnons du prophète A.S. sont eux qui sont attachés au messager d'Allah. Il y a la Sunna du prophète A.S. Il y a la compréhension de la Sunna du messager A.S. et qui eux qui ont mis en application cette Sunna et qui ont appelé vers la réelle religion de Muhammad A.S. Donc il est obligatoire pour tous ceux qui sont venus après eux de se cramponner à leur voix pour qu'ils soient en liaison directe avec le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour qu'ils soient en liaison directe avec la religion que Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Sinon, s'ils sont pas, ils se cramponnent pas, ils sont pas derrière ses nobles compagnons dans la compréhension, dans la mise en pratique, ben ils sont comme un arbre impur qui est sur terre, qui n'a pas de racines, il n'est pas stable. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق وتفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة ما أنا عليه وأصحابي. وهذا عند الترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في سنن الترمذي وهو في السلسلة الصحيحة كذلك. Et dans la fin de ce hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, authentifié par Cheikh Nasr rahimahullah dans son Tirmidhi, et il est aussi dans la chaîne des authentiques, sur le numéro 1348, la chaîne des authentiques de Cheikh Nasr rahimahullah, dans le hadith des groupes, il dit, et ma communauté se divisera en 73 groupes, tous en enfer sauf une. Et il a dit, celles qui sont sur la même voie que moi, moi et mes nobles compagnons. Ceci est très clair. Ceci ferme la porte à toute déviation. La voie de l'agrément, la voie sur laquelle était Mohammed alayhi salam et ses nobles compagnons. Il n'y a pas une autre voie. قال ابن القيم رحمه الله وغفر له. والحديث يبين وقوع الافتراق في الملة بعده عليه الصلاة والسلام وأنه يكون على 73 ملة وأن الفرق الممتثلة بهذه الملل كلها في النار وأنها تنجو فرقة واحدة رغم انتسابها جميعا إلى الإسلام هي من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذا يدلك على أن فيصل التفريق بين الحق والباطل إنما هو اتباع الصحابة فيما كانوا عليه، لأن كل الفرق المنحرفة تنتسب إلى السنة ولا تجرأ على التبرؤ منها. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh de nous dire ce hadith, en parlant du hadith des groupes, il a dit ce hadith nous éclaire sur le fait que les divisions vont exister dans cette communauté après le messager d'Allah, et qu'il va y avoir 73 sectes, et que tous ces sectes vont être au feu de l'enfer sauf une qui va être sauvée, alors que toutes ces sectes font partie de l'islam mais ils sont voués au feu de l'enfer. Et la secte qui va être sauvée, ce sont ceux qui sont sur la même voie sur laquelle était Mohammed et ses nobles compagnons. Ibn al-Qayyim de nous dire, cela te prouve que le point de séparation entre la vérité et le faux, entre la vérité et le faux, c'est le fait de suivre les nobles compagnons et de suivre la voie sur laquelle ils étaient. Car tous les groupes qui ont dévié se disent appartenir à la sunna. Ils ne peuvent pas avoir l'audace de désavouer la sunna. Mais le point pour le point qui va fermer les portes à toute divergence, c'est la compréhension des nobles compagnons. C'est la voix de ces nobles compagnons. C'est elle qui fait la séparation. C'est elle qui te montre est-ce que la personne elle est sur un âne ou elle est sur un étalon. فاتباع ما عليه الصحابة يقول رحمه الله فاتباع ما عليه الصحابة زمن النبوة وما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مناط النجاة والهداية وخلافه من سبل الفرق الهالكة التي هي تحت الوعيد بمخالفتها منهج الصحابة. Et il continue de nous dire rahmatullah alayh, le fait de suivre la voie sur laquelle étaient les compagnons à l'époque de la prophétie et le fait de suivre la voie sur laquelle les a laissé le messager alayhi salam, c'est le point pour être sauvé. C'est la voie pour être sauvé. C'est autour de cette voie qu'il y a le fait d'être sauvé et d'être guidé. Et le contraire de cette voie-là sur laquelle étaient les compagnons à l'époque de la prophétie, et la voie sur laquelle ils étaient après le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les chemins des groupes qui vont périr, et qui ont péri, et qui sont sous l'avertissement. Parce que ils ont divergé avec la voix des compagnons ridwanullah alayhim. يقول ولا بد ان يكون الوصف المؤثر في هلاك تلك الفرق والذي تعلق به وقوعهم تحت الوعيد هو مخالفه هدي الصحابه رضوان الله عليهم. ما دام ان الوصف الوحيد المؤثر في النجاه كما ذكر في الحديث موافقه منهاج النبوه او سبيل المؤمنين الذي كان عليه الصحابه رضوان الله عليهم. Il dit حفظه الله تعالى. Il est obligatoire que la description de la perte de ces groupes doit être influencée par quelque chose. Sa cause doit être quelque chose. Cet avertissement, il découle du fait d'être en divergence avec la voix du noble compagnon, ridwanullah alayhim. Hein? Parce que la voix du noble compagnon, le fait de s'y cramponner, c'est elle qui amène vers le fait d'être sauvé et d'être guidé. Comme il a été cité dans le hadith, le fait d'être en concordance avec la voie du prophète alayhi salatu wasalam, avec le chemin des croyants sur lequel étaient les nobles compagnons, c'est là où il y a le fait d'être sauvé. Et le fait d'être en divergence va découler de ça l'avertissement et la déviance. يقول رحمه الله وغفره وهذا يقتضي أن اتباع منها الصحابة وما كانوا عليه مما تلقوا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم و واجب يهلك بتركه الهالكون ويسعد بأخذه الفائزون وهو اتباع أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم في التدين كله. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. Il dit rahmatullah alayhi, les paroles sont toujours Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, cela implique que le fait de suivre la voie des nobles compagnons et la voie sur laquelle étaient les nobles compagnons et de suivre ce qu'ils ont reçu du livre d'Allah et de la sunna des prophètes, ceci est obligatoire de le suivre. Celui qui délaisse cette voie et ne le suit pas, ben il périt. Et celui qui se cramponne à cette voie, il va être parmi les gagnants, parmi les heureux, parmi ceux qui vont être réjouis dans les deux mondes. Et cela implique de suivre leurs paroles, leurs actes, leur situation, de toute la religion. Ceci est très clair. Et on arrête ici avec les preuves du fait qu'il est obligatoire de suivre les nobles compagnons d'Allah alayhim, les preuves qui nous viennent de la parole d'Allah, de l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi salam. Et on continuera demain, incha'Allah, avec les autres points qui font qu'il est obligatoire de se pencher sur la voie de ses nobles compagnons ridwanullahi alayhim. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم أحسن الله لكم جزاكم الله خيرا